Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et comme à chaque semaine, je serai accompagné par mon estimé collègue, quelqu'un que j'estime être mon collègue, Marc Bouchard. Salut Marc. Ça a commencé mal, hein? Quand on commence une phrase par mon estimé, ça sonne un peu étrange, je te dirais. Ouais, mais j'ai pas arrêté pendant la prononciation du mot. Mais je t'estime mon collègue, je t'estime parfois plus que ça aussi. Mais ça me fait toujours plaisir de faire cette émission-là avec toi parce que moi, t'as dit que ça serait plate de la faire tout seul. J'aime ça. Hey Marc, t'es chez vous? Oui. T'es pas à 6 heures d'avion de moi et à 3 heures de décalage horaire? Non, puis honnêtement, j'espère y rester pour un petit bout, là. La prochaine étape où je m'en vais, en théorie, c'est le salon de Détroit à partir du mois de Janvier. ouais, c'est ça, de mi-janvier ou à peu près là. Bah, c'est ça. Moi, Détroit, je n'y serai pas, mais je vais peut-être. Je me demande encore si je vais aller faire un tour à Toronto cette année ou pas. Mais je vais être au Salon de Montréal, ça, c'est sûr, parce que c'est comme je peux conduire puis ça prend pas trop de temps. Donc Moi, ça se peut que je sois pas à Montréal. Ah ouais? Ah, OK. On verra ça. Donc, Marc, on a plusieurs sujets cette semaine, plusieurs invités. On va parler entre autres, à ton ami Bertrand Godin. D'un petit Oui. sujet intéressant qui est les alcotests. C'est le temps des fêtes qui s'en vient, hein? Puis comme je dis à chaque année, on veut avoir nos auditeurs après le temps des fêtes. Fait que, tu sais, boire et conduire, c'est non. Je vais vous taper ses doigts si je vous rencontre, puis vous m'avez dit que vous avez bu, puis vous avez conduit, ça ira pas très bien. Et puis, fait qu'on va parler des alcotests. Une petite nouvelle qui est tombée aujourd'hui, je crois, sur les Hier, alcotests. en fait. Ouais, c'est ça. Puis hier, on enregistre jeudi, juste pour situer les gens, là. Mais en tout cas, cette semaine, ça va être plus simple. Et puis, ça fait pas tellement l'affaire de notre ami Bertrand qui va nous expliquer un peu pourquoi. On va aussi avoir un essai, mais pas n'importe quoi. T'as essayé le Jaguar F-Pace, un beau petit VUS de Jaguar, et on va en parler avec Sabrina Giacomini, qui va venir jaser de ça Oui. avec toi. Et puis, on va finir, comme d'habitude, avec des nouvelles, mais aussi ton essai du GMC Yukon, c'est ça? Oui, et l'art d'avoir l'air con Et l'art quand j'ai fait l'essai aussi. d'avoir l'air d'un Yukon. Ça, Parfait. non, non, non, j'ai vraiment eu juste l'air con, OK, profondément, tu nous en quand j'ai reparleras. fait l'essai. C'est bon, tu nous en Oui. reparleras. J'ai toujours le fun d'avoir quelqu'un de pire que soi sur l'émission. Et puis, on va commencer avec notre intro habituelle. On a quelques sujets cette semaine. On va commencer par un coup dur pour les radars photo. Cette semaine est tombée une nouvelle. Un juge a décidé que pour lui, les radars photo étaient une preuve inadmissible et illégale en cour. T'en penses quoi? Ben, écoute, moi, je pense que d'une part, c'est complètement ridicule. On va se dire les vraies affaires, là. Je trouve que c'est vraiment abusif comme interprétation. Faut expliquer aux gens ce qui se passe. Les gens s'imaginent que quand on attrape une contravention par un radar photo, ça se fait de façon automatique. Ben, C'est-à-dire que en le radar partie, prend mais la... ouais. Ben, c'est pas ça, hein. Non, non. C'est vraiment, il y a vraiment un policier qui est assis au bout de tout ça, qui reçoit la photo, qui reçoit la situation et qui juge si oui ou non vous méritez une contravention. Exact. Le problème, en fait, c'est que les gens qui sont, je dirais, qui sont attrapés, ben, on n'a pas de preuve directe. Parce qu'évidemment, c'est pas un policier qui est debout aux côtés puis qui vous mesure. C'est fait par une photo. Or, le juge considère que c'est du oui-dire. Au terme de la loi, le oui-dire, c'est littéralement comme si c'était une rumeur. Comme si toi, tu vois ton voisin dévaliser quelque chose, tu m'en parles et c'est moi qui va témoigner, mais mon témoignage n'est pas recevable parce que c'est du oui-dire. L'idée, c'est que, selon le juge, en fait, le policier n'ayant pas le contrôle du radar photo au moment de l'infraction et n'ayant pas de moyen de le calibrer, on estime qu'il peut y avoir une trop grande marge d'erreur et on a déterminé que c'était pas une bonne chose, que c'était pas donc admissible. Regarde, on va être franc, là. La madame qui est allée en cour, là, elle s'est faite pogner à 140 km/h dans une zone de 70. Ça commence à faire une sale marge d'erreur, là, 70 km/h, là, tu sais. Ouais, normalement, on peut dire que les policiers tolèrent normalement dans des routes pas sur l'autoroute, peut-être 10 km de différence là. Quand t'es rendu au double, premièrement, t'as un petit problème psychologique là. C'est Parce ça. que tu peux même pas rouler 140 sur l'autoroute. Et puis là, oui, tu veux te défendre contre ça, je comprends, parce que tu veux surtout pas payer le 1160 $ que ça coûte. Mais tu sais, on s'entend. 160, et ça peut même être considéré quasiment comme de la conduite dangereuse rendue là. Ouais. Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué, évidemment, pour elle. Oui, oui. Fait honnêtement, moi, je trouve que c'est abusif. Écoute, là, les gens vont dire, oui, mais les radars photos, c'est des trappes à tickets. Non. Juste non. Juste parce que si t'es assez cave pour te faire pogner par un radar photo, alors qu'on l'annonce depuis 10 km, ouais. avec des panneaux partout, sur une route dont tu connais la vitesse dès le départ, ouais, normalement. Peut-être que si tu te fais pogner, tu le mérites ton ticket. Ouais. Faut rectifier, par exemple, il y a certaines routes où la limite de vitesse est assez nébuleuse. Des fois, t'es longtemps sans avoir un panneau. Il y a des routes qui changent de vitesse à peu près 4 fois sur un tronçon de 5, 6 km, 10 km parce que tu pognes un village, des choses comme ça. Il y a des places, c'est vraiment, mais en général, vraiment mal en général, c'est pas là que t'as les radars photos, là. Non, normalement, non. Tu sais, alors les radars photos, là, quand tu les vois sur l'autoroute, là, je m'excuse, là, tu peux pas ne pas savoir qu'une autoroute, c'est 100 km/h, la limite, là. Non, non, non, ça, si tu sais pas ça, c'est peut-être qu'il faudrait que tu remettes ton permis de conduire en question, là. Peut-être. T'sais, alors, il y a tout cet élément-là, et en plus, je te rappelle qu'on les annonce d'avance. Oh oui. Ici, pas très loin d'où je demeure, sur la route 116, il y a un emplacement où il y a des radars mobiles. Ouais. Ils sont pas toujours là, mais quand on passe, il y a des pancartes permanentes qui t'avisent que pour les 8 prochains kilomètres, il y a la possibilité d'avoir un radar mobile. C'est ça. Ça veut dire... C'est à toi. Camtenor. C'est à toi de juger, là. Oh oui, c'est ça. Ça veut dire Camtenor. Il y a des panneaux à l'île Perrault. Il y a un radar qui est là toujours, qui a toujours le panneau est toujours là parce que le radar est fixe, puis il y a encore des gens qui se font prendre. Si t'es un touriste, je peux peut-être comprendre, mais... Hey, même à ça, regarde, moi je suis allé en Europe, là, OK? Je suis allé à quelques reprises en Europe, et en Europe, il y en a, je te dirais, 8 fois plus des radars photo, OK? Il y en a partout, là. Ouais. Et je suis allé dans des pays dont je ne maîtrise pas très bien la langue. On va se dire les vraies affaires, là. Mon allemand puis mon espagnol sont pas très fluents, tu sais. Ouais, ouais. Mais ceci étant dit, ça m'a pas empêché, quand je vois un panneau avec un logo de radar marqué Velocidad en Espagne, j'ai compris qu'il fallait pas que je roule en fou. Ouais. Tu sais. Fait que, tu sais, t'as pas d'excuses parce que tu es censé regarder et apprendre à gérer ces affiches-là. C'est à ça que ça sert, un code de sécurité routière. T'es supposé le connaître. T'as pas l'excuse de pas le faire. Ouais. En tout cas, bref, tout ça pour dire que finalement, le juge a décidé que c'était des oui-dire, et que ce oui-dire-là n'était pas admissible. Évidemment, ça a créé toutes sortes d'affaires. Il y a des gens d'une petite ville qui s'appelle Valleyfield. Oui, pas très loin de chez nous. Oh, oui. C'était pour ça la blague sur la petite ville. Mm-hmm. En fait, c'est que il y a des gens, on a déjà annulé 400 contraventions au palais de justice de Valleyfield cette semaine, basées sur ce jugement-là. Sauf que dites-vous bien que le ministère et que la Sûreté du Québec vont aller en appel du jugement, évidemment, et d'après moi, ils vont l'amener le plus loin possible. Il faut quand même préciser une chose. Les radars photos, l'équipement lui-même n'est pas mis en doute. Non. Ce que ça veut dire, ça, quand on dit qu'il n'est pas mis en doute, c'est attelez-vous, ils sont là pour rester. C'est pas vrai qu'on va les enlever. Ce qu'on va devoir faire, c'est modifier la procédure pour émettre les billets, et ça va être au sein de la Sûreté du Québec, mais il sera pas mis en doute, c'est clair, clair, clair. Alors, ceci étant dit, reste à voir à partir de là comment ça va se développer, mais je vous le dis, là, c'est sûr que ça va changer au cours des prochaines années, des prochains mois, parce que le gouvernement va aller en appel, c'est évident. Non, c'est sûr, puis c'est trop un générateur d'argent pour le gouvernement aussi, pour juste décider. Puis ils ont dépensé trop d'argent pour installer ça aussi, pour dire, ah, un juge aime pas ça, bon, on va les enlever. D'une part, puis d'autre part, moi, je pense qu'il y a vraiment des affaires, là, tu sais, comme... Ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité, là, c'est des éléments qui sont importants, à mon avis, là, en tout cas. Bref, c'est ma perception et je m'y tiens. C'est bon, on va passer à notre deuxième sujet. Il y a une petite étude de la compagnie d'assurance Allstate qui est sortie qui dit, on va continuer dans la sécurité routière, là, que les Montréalais sont de meilleurs conducteurs selon cette année, en 2016, que l'année passée. Il y aurait eu une baisse de 7% des collisions en 2016 pour la région de Montréal. Là. Bon. Ouais. Attention, je suis obligé de te dire, par contre, que c'est un sondage qui est fait sur les réclamations. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Alors, il y a eu 7% de moins de réclamations. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui arrangent ça à l'amiable, hein, tu sais, genre, ben, donne-moi 250$, m'a fait repeinturer mon bumper, puis on n'appelle pas à personne. genre. Exactement, parce que j'ai pas envie que mes assurances augmentent en fou. Exactement. Donc, parce qu'on sait que les assurances aiment ça nous ramasser pour, tu sais, peu importe, même si t'as pas eu d'accident, t'as rien fait, tu conduis super bien. Ah, regarde donc, mes assurances me coûtent plus cher cette année que l'année passée. Que s'est-il passé? Mais tu payes pour les autres, là, mais c'est ça. Tu payes pour les autres, tu payes pour ton environnement, tu payes pour la municipalité où tu demeures, parce que plus elle est à risque, plus ça te coûte cher. Bref, tu payes. Ouais, c'est ça. T'sais, ça, c'est clair. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles, il faut le dire, là. Il y a quand même des baisses dans la plupart des je te dirais, des agglomérations québécoises. Il y en a beaucoup, il y en a qui ont des baisses importantes. Terrebonne qui a baissé de 17 %, 12 % à Ville-la-Salle, 17 % à Saint-Léonard, 11 % de moins à Côte-Saint-Luc. Ça, c'est des arrondissements de Montréal, bien entendu. Mm-hmm. Laval est en baisse de 4 %. Brossard est en hausse, cependant, de 6 %. Et la pire, c'est Chaumédé, où il y a 12 % d'augmentation. C'est énorme, énorme, énorme, évidemment. Oui, c'est ça. Je regarde aussi des choses qui sont intéressantes. Les 5 types de collisions les plus fréquentes. Véhicules stationnés, 22 % des 22 % des accidents arrivent avec un véhicule contre un véhicule stationné. Oui, ben en fait, ça s'explique parce que ça fait partie des quand ton véhicule par exemple est stationné dans un centre commercial ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Mais alors évidemment, quand même spécial, le frapper un objet inanimé, excuse-moi, là, ça bouge pas là, c'est comme lui il te rentre pas dedans, c'est toi qui rentres dedans. C'est 12% des accidents sont faits avec des objets stationnaires ou des fossés. Ouais, c'est ça, c'est collision arrière 19%, donc quelqu'un rentre dans quelqu'un d'autre, virage et intersection 19%. Changement de voie 15%, donc les caméras de recul et les systèmes d'avertissement de changement de voie, ça, j'espère que ça va aider à faire baisser ça avec le rajeunissement de la flotte de voitures au Québec. Puis comme tu disais, objet stationnaire ou fossé 12%, un poteau, un trou, je sais n'importe pas, quoi. Une chèvre sur le bord du chemin, peu importe là, c'est 12. Ah, ça c'est pas stationnaire par exemple. Non, c'est vrai, c'est pas stationnaire, ça peut bouger. Ben, à moins qu'elle broute puis qu'elle bouge pas. Mais bon, fait que c'est... Mais ce qui est intéressant aussi, ce que moi j'ai trouvé très drôle, c'est les dates. La date où sont présentées le plus de réclamations de collision. Ouais. Ce sont le 15 janvier et le 22 décembre. Ouais. Ça c'est en général jusqu'en 2015. En 2016, c'était le 2 février. Ouais. Et la date où c'était le moins de réclamations, le 22 décembre. Alors, c'est quand même un peu ironique. Ouais. Parce que l'année passée, c'était la date où il y en avait le plus. Cette année, il y a la date où il y en avait le moins. On expliquait ça, en fait, quand j'ai parlé avec les gens, on expliquait ça par le fait que le 22 décembre, avant, les gens se garochaient pour aller magasiner partout. Puis que là, le magasinage en ligne a fait considérablement baisser l'achalandage dans les centres commerciaux. Bon, fait que au moins, quand tu magasines en ligne, t'as pas d'accident. Tu peux peut-être pogner des virus mais sur ton ordinateur, mais au moins, tu pognes pas d'accident. Il y a au moins toujours ça de bon. Super! Fait que disons que tout ça fait que le nombre de collisions en général est en baisse, mais nos primes d'assurance le sont pas. Bon, ouais, ceci étant dit, je te laisse conclure. C'est bon. Fait que donc, si vous voulez aller voir l'étude, j'imagine, si vous allez sur le site de Allstate, vous allez pouvoir regarder ça de fond en comble. Il y a plus de données que ça, là, mais on n'a pas le temps de passer à travers tout, mais c'est quand même très intéressant. Donc, Marc, on va faire une petite pause, puis on va revenir avec ton essai du Jaguar F-Pace que tu as fait, puis on va en parler avec Sabrina Giacomini, qui l'a elle aussi essayé. Alors, nous sommes de retour et Marc, on va parler de Jaguar F-Pace, mais premièrement, tu vas nous présenter notre invité qui va venir parler de ce véhicule-là avec toi parce que vous avez eu la chance de le conduire, moi, très, très brièvement. Alors, je te laisse présenter notre invité de ce soir. Ouais, notre invité, c'est Sabrina Giacomini. Je dois vous dire que Sabrina, ça fait quelques années qu'on se connaît et on s'est connus autour d'une crêpe avant d'autour d'une auto, faut le dire. J'expliquerai ça dans une autre émission un autre jour. Mais Sabrina est maintenant associée avec le site qui s'appelle exhausted.ca. C'est un site en anglais. Elle réside à Toronto. Elle est dans la région de Toronto. Donc, elle a fait l'essai d'une version du Jaguar F-Pace, qui est la version la plus vitaminée, la version S. Alors que moi, j'ai dû me contenter de la 35, de la version, de la petite version turbo, pas diesel. Bonsoir, Sabrina. Bonsoir. Alors, Sabrina, le F-Pace, par définition, chez Jaguar, c'était presque une première d'avoir un utilitaire sport comme ça. T'en as pensé quoi? D'entrée de jeu, t'en as pensé quoi? Bon, c'est sûr, je suis pas, on va mettre ça sur la table immédiatement. Je suis pas le public cible de ce genre de véhicule-là. C'est un véhicule, c'est spacieux, c'est grand, c'est extrêmement puissant, c'est dur sur l'essence. Donc, c'est sûr que je suis pas tout à fait le public cible. Maintenant, ceci étant dit, je l'ai trouvé correct. Je vais t'avouer, pour avoir eu l'occasion de jouer un peu dans la gamme Jaguar, il y a des choses que j'ai trouvées qui font très bien. Dans le cas du Jaguar, du F-Pace, c'était un peu plus atténué, je dirais. T'sais, vu le format du véhicule, j'ai trouvé que c'était un peu plus atténué, ouais. Mon Dieu. OK. À Je suis un peu étonné parce que, pour être franc, moi, j'ai trouvé que ce véhicule-là Ouais. était excessivement dynamique pour un utilitaire sport. OK. C'est sûr que c'est pas, on s'entend là, c'est pas la Jaguar F-Type, Non. mais c'est un véhicule que j'ai trouvé relativement dynamique. Il faut dire que, la motorisation de ce véhicule-là est quand même extrêmement intéressante. Un moteur V6 3 litres, 380 chevaux, 332 livres-pieds de couple, ça déménage. C'est vrai que du point de vue de l'économie de carburant, on Oui, repassera. évidemment. Faut dire aussi que quand on va pour ce genre de véhicule-là, l'économie d'essence n'est pas non plus nécessairement une priorité. Non, On... effectivement. Le C'est public cible est normalement capable de payer son plein d'essence à chaque semaine. ça. Mais attention, on parle beaucoup de public cible. Je vais juste préciser pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, c'est pas si cher que ça, un Airspace, Non, là. On exactement. parle d'un Jaguar à 50 000 piastres en partant, là. C'est ça. Oui, non, c'est, quand je parle de public cible, je parle surtout dans mon cas du format du véhicule, disons, plus que vraiment de la gamme de prix, parce qu'effectivement, quand j'ai regardé les spécifications du modèle, j'ai été très étonnée de voir qu'il partait à peine 50 000 $, le modèle de base. Oui, effectivement. Sauf qu'évidemment, parce que toi, étant ce que tu es et étant à Toronto, tu as conduit la version de luxe qui, elle, vaut pas mal plus cher. Oui, c'est ça. Donc, dans mon cas, la version que j'ai conduite, qui est la version S, donc le sommet situé de la catégorie, on parle plutôt d'un prix qui démarre aux alentours de 68 000 $. Mais c'est Donc, quoi la différence entre la version, par exemple, la 35T comme celle que j'ai essayée, qui est quand même avec le moteur turbo, et le S qui est la version haut de gamme? Donc, en fait, c'est sûr, là, on change de motorisation complètement. Dans mon cas, le F-Pace S est équipé d'un V6 suralimenté de 3 litres. Et là, on pousse un peu la performance pour atteindre les 380 chevaux. Donc, on augmente un peu, on change un peu de catégorie de gamme sur le plan de la motorisation. Il y a transmission, la rouage intégral, pardon, qui est aussi standard. Donc, on change un petit peu la catégorie, là. On monte dans le segment. Oui, parce qu'il faut préciser que la version de base, ça arrive avec un moteur 4 cylindres, 2 litres, turbo-compressé, mais diesel, qui fait 180 chevaux et 318 livres-pieds de couple. C'est sûr que le couple est extrêmement présent. Oui, c'est ça. Exactement. Oui. Physiquement, le F-Pace, moi, je le trouve très beau de l'extérieur. Est-ce Je que suis. de l'intérieur, il t'a plu autant? Moi, j'avoue que j'ai eu quelques réticences. Oui, je trouve, ben, c'est des intérieurs, c'est sûr, Jaguar, quand on va dans le haut de gamme, que ce soit le haut de gamme, bon, que ce soit F-Pace, même le XJ, je trouve qu'ils font c'est très, extrêmement sobre. Il faut très, tu sais, comme, très minimaliste, une planche de bord qui est très épurée, même à la limite un peu plate, si on peut dire. Ça manque un peu de, ils font des véhicules qui se veulent, tu sais, plus dynamiques, plus fun à conduire, avec des motorisations excitantes, mais après ça, on s'assoit à l'intérieur, puis c'est un peu comme ça, tombe un peu à plat. Effectivement. Il faut quand même préciser que le F-Pace est aussi doté du fameux rouage que l'on peut modifier, là, les différentes fonctions, les différents modes de conduite. Exact. Et ça, on le détermine par une rangée de boutons qui sont placés sous la molette. Parce que ça, c'est l'autre élément. On n'a pas de levier de transmission dans un F-Pace. On a une molette que l'on doit tourner pour changer les rapports. Ça, moi, ça me dérange un petit peu, j'avoue. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les versions Jaguar, par Oui, absolument. À contre. moins d'aller comme dans le manuel, dans certains modèles, effectivement, c'est vraiment le standard, là. Mais on Effectivement. recommence à trouver ça dans plusieurs, chez plusieurs constructeurs. Je me rappelle, Mazda est comme ça. Ben, Land Rover, Jaguar, on s'entend que ça se ressemble un peu, là. C'est une compagnie Ouais, mais ça, c'est sœur. des frères, là. C'est ça, fait que Ça c'est la même chose, mais il y a beaucoup de compagnies qui enlèvent le levier, qui s'en vont vers cette espèce de roulette-là, qui, moi non plus, je trouve pas ça nécessairement toujours intéressant, là. mais on dirait que c'est une mode. Ouais, ben je pense qu'effectivement, il y a ça. Remarque que c'est encore moins pire que les espèces de boutons qu'on trouve chez Lincoln. Là. Ouais. J'allais justement faire le commentaire. Ouais, il fallait faire pire, ils ont réussi. Ouais. Ouais, ils sont bons là-dedans. Mais il y a quand même le levier de vitesse du Cadillac XT5. Excuse-moi, je reviens là-dessus, mais il y a quand même ça aussi qui peut être un levier de vitesse bizarre. Mais bon. C'est juste parce qu'il est électronique. Tu sais, Luc, c'est parce que t'es trop vieux. Là. T'as perdu le fil de l'enfant qui aime les gadgets en toi. C'est une bonne automatique à 3 vitesses. Ça va être super. Écoute, Luc, fais-toi en pas. J'ai eu le même constat dans la Buick Lacrosse. Et en toute honnêteté, encore une fois, c'est une transmission qui est électronique, dans le fond, avec le levier, mais qu'on fait tout simplement... pousser, qui se déplace pas, qui s'enclenche pas. On fait tout simplement le pousser un petit clic vers le haut, un petit clic vers le bas pour engager et ça m'énerve. Ben, je vais l'avoir la semaine prochaine, je vais pouvoir me faire une idée. Merci de me préparer. Franchement, belle gang. Ceci étant dit, si on venait à vos affaires sérieuses un peu, là, oui, le F-Pace, est-ce que tu as eu l'occasion, Sabrina, de le conduire de façon un peu plus dynamique? Parce que moi, j'ai trouvé que la tenue de route du véhicule était vraiment, vraiment cool, que ça se comportait très bien, que la direction était précise. Honnêtement, j'ai trouvé que comme utilitaire sport, il était justement plus fort qu'utilitaire. C'est la qualité que je vais lui donner. Ça, sur le plan de la tenue de route, sincèrement, j'ai trouvé qu'il se comporte bien. C'est un véhicule qui est prévisible, qui va pas causer de surprise nécessairement, qui tient bien la route, précis. Donc c'est sur ce plan-là, je vais absolument le lui donner. Moi, de mon point de vue, écoute, malgré le fait que j'avais le V6, la transmission, je crois, a peut-être atténué un petit peu mon expérience du véhicule, mais c'est pour ça que je dis aussi que c'est moins, je suis peut-être pas le public cible. Moi, je suis une puriste dans mes transmissions. Donc, automatique 8 vitesses, je trouve que ça me ralentit un peu, là. Ouais, effectivement. C'est sûr que conduite sportive, tout le monde aime une boîte manuelle, mais pas tout le monde, parce qu'il n'y en a presque plus. D'ailleurs, même Ferrari a décidé qu'il abandonnait les boîtes manuelles. Ouais. En tout cas, on pourrait en discuter. Ouais, ça, c'est malheureusement, effectivement. Alors, une conversation pour un autre soir. Exactement. Sauf qu'effectivement, moi, j'ai trouvé que ça, c'était intéressant. J'ai trouvé objectivement, là, si une fois qu'on a pris tout ça, qu'on a regardé tout ça, je trouve que le F-Pace est quand même arrivé dans un beau créneau. C'est-à-dire qu'il répond bien aux exigences que Jaguar s'était données. Ils arrivent avec la XE qui est plus abordable. Ils arrivent avec le F-Pace qui est un utilitaire sport quand même relativement compact malgré tout, même s'il y a de l'espace à l'intérieur, comme tu l'as souligné, Sabrina. Ouais. Donc, pour moi, la mission est pas mal atteinte. Est-ce que tu penses qu'ils vont vraiment être capables d'aller chercher un marché avec ce genre de véhicule-là? C'est une bonne question, hein, parce que il y a définitivement une tendance, il y a une migration, si tu veux. Tu sais, bon, il y a quelques années, il y avait la grande mode des compacts. Là, il y a comme une migration, si tu veux, vers les utilitaires, surtout les utilitaires compacts. Est-ce que un utilitaire sport a sa raison d'être? Je sais pas. C'est une question qui est intéressante parce que je crois définitivement qu'il y a un public pour. Mais, tu sais, considérant que c'est Jaguar, ils ne s'attendent pas non plus à vendre 100 000 unités du F-Pace en un an. Non. Donc, ouais. Je pense qu'ils pourraient, je crois, aller chercher un intérêt définitivement parce qu'il y a des gens qui recherchent ça. Le niveau utilitaire combiné avec le fun de conduite, là, si on peut dire. Oui, effectivement. Alors, mais je pense que c'est Jaguar qui est... Vraiment, écoute, on le sait, on l'a vu depuis que la compagnie a été rachetée. On a vraiment fait des efforts de création de nouveaux modèles. On a vraiment fait des efforts aussi au niveau du design. Le style, absolument, en général, de toutes les nouvelles Jaguars est à tomber par terre. La F-Type, en tout cas, moi, je suis en amour. Ouais, je crois que je dois encore trouver quelqu'un qui ne l'est pas. Ouais. Non, c'est ça, effectivement. Clairement, une des plus belles voitures sur le marché présentement, là. Il y en a qui doivent voir Ian Callum dans leur soupe. Le chef du design chez Jaguar, je suis certaine qu'il y en a qui le voient dans leur soupe. Mais écoute, tu vois, j'ai eu l'occasion, j'étais au Salon de Los Angeles et j'ai parlé un petit peu avec les gens du design chez Jaguar et ouais. Ils présentaient à ce moment-là le I-Pace, qui est la version électrique, l'utilitaire sport. Et c'est vraiment, on est vraiment dans le même champ, dans la même lignée de design. Ben, écoute, Sabrina, c'est tout le temps qu'on avait. Très heureux de t'avoir reçu. On va juste répéter aux gens où ils peuvent lire ce que tu produis. Je sais qu'il y a le site anglophone qui s'appelle exhausted.ca. Exact. Donc, mais il y a aussi d'autres endroits, je pense, où on peut lire les écrits de Sabrina Giacomini. Oui, exactement. Donc, comme tu m'as mentionné, évidemment, une de mes activités principales est sur exhausted.ca, mais on peut aussi lire à quelques occasions sur autotrader.ca. Bon, mais écoute, je te remercie. C'est certain qu'on va te réinviter. On va te laisser faire tes essais dans ta région torontoise et on refera appel à toi pour faire des essais combinés, ma chère. Ça nous a fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir à moi. Merci beaucoup, Sabrina. Ben, merci. Bonne soirée. Donc, nous, Marc, merci. On fait une pause? Oui, on fait une pause puis on revient avec Bertrand Godin. Parfait, mon cher. Après la pause, on se repart. Alors, nous sommes de retour et Marc, on est en compagnie de Bertrand Godin qui va venir nous parler d'Alcotest. Salut, Bertrand. Oui, mais en fait, avant d'aller à Bertrand, si tu permets, il va nous parler d'Alcotest, mais moi, j'ai des questions précises pour mon ami Bertrand parce que je sais qu'il a posté cette semaine sur Facebook un commentaire à l'égard de certains tests qui ont été faits par certains organismes à propos des alcotests, et c'est de ça que je veux qu'on parle aussi ce soir. Ouais. Monsieur Godin, bonsoir. Salut les gars. Alors Bertrand, avant de partir, on va préciser aux gens, tu es un spécialiste de la sécurité routière, tu es instructeur de conduite, tu es évidemment le pilote talentueux que l'on connaît, mais tu es aussi le porte-parole de c'est les alcotests jetables que l'on trouve partout. Oui, ben ça fait déjà plus de 12 ans que j'avais été approché. Et bon, moi j'ai eu quand même des amis qui sont décédés à cause justement qui avaient mélangé alcool volant. Même mon professeur de troisième année est décédé, ainsi de son mari, dans un drame épouvantable dans la région de Actonville. Donc ça m'avait beaucoup touché à l'époque. Et puis j'avais dit, ben regarde, je pense que ça vaut la peine. Le message est tellement bon. Parce que bon, faut savoir que ces outils-là, ils existent depuis longtemps. Et ils ont continué d'évoluer. Et avec les années, moi je me souviens, quand on a commencé, ben justement, les gens n'y croyaient pas aux produits. Et on essayait toujours de nous piéger. On allait dans des stations de radio et là, ben, il y avait des policiers avec leur appareil, il y avait des gens qui buvaient en studio, okay? Un peu la même chose que ce que CAA Québec a fait avec Protégez-vous. Et surprenamment, ben, ça donnait des bons résultats. Et moi, avant de m'engager avec eux autres, eh bien, il m'avait montré noir sur blanc des tests de la FDA, Food and Drug Administration, qui est extrêmement sévère. Lorsque tu réussis à être approuvé par la FDA, c'est parce que tu as un produit qui est solide. Okay. Et puis on va s'entendre, là, on envoie des gens sur la Lune, là. Donc d'être capable de détecter un taux d'alcoolémie, c'est quand même simple. Mais il faut quand même suivre une certaine procédure pour arriver à un résultat juste. Bon, ces petits alcotests-là, on parle ici là, des petits tubes jetables. Qu'on retrouve sur les comptoirs de dépanneurs, des choses comme ça. Là, on voit ça vraiment partout. Là. C'est comme surtout ces temps-ci. On a même la photo de Bertrand Gradin dessus. Là, ben ça, ouais. On s'excuse. Déjà là, juste là, tu dégrises. Hein? Mais sérieusement, alors rapidement, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que je fais? Moi, là, je pense que j'ai peut-être trop bu. Qu'est-ce que je fais pour savoir si j'ai effectivement trop bu en me servant de ce petit alcotube? Ben, écoute, je pense que premièrement, on ne va pas l'utiliser parce qu'on a trop bu. Parce que si on a trop bu, c'est certain qu'on le sait, on ne prend pas le volant. On va s'en servir surtout pour quelqu'un qui dit « je suis correct ». Parce que le gros problème, les gens prennent un verre, deux verres, se sentent bien. Ils se sentent pas sous à 0.08. Ils se sentent aptes à prendre le volant. Donc, souvent, moi j'en ai à la maison, je l'utilise. Et combien de gens ont resté surpris en voyant justement le sel chimique changer de couleur? et dire aïe aïe, je croyais vraiment que j'étais correct, j'aurais pris ma voiture en ayant un taux d'alcoolémie supérieur à 0,08. Donc, s'abstenait de conduire. Donc, les gens sont pas fous. Mais tu sais, notre nez se met pas à clignoter parce que justement, on dépasse 0,08. Donc, à Si tu partir de commences là, à ben, clignoter, si tu commences à clignoter, peut-être que tu as pris autre chose que juste 3 verres d'alcool, mettons. Oui, il y a des bonnes chances. Mais quel est. Je suis obligé de t'interrompre parce que justement, on en arrive à la question qu'on a posée cette semaine. Alors, il faut rappeler aux auditeurs que le CAA Québec, en collaboration avec Protégez-vous, ont fait des tests sur des alcotests, l'alcotube notamment, mais aussi certains autres produits électroniques notamment. Et ils en sont venus à la conclusion qu'eux ne recommandaient aucun de ces appareils-là. Bon, pourquoi je devrais écouter Bertrand Godin et pas CAA Québec? Ben, tout simplement, moi, j'ai rien contre le test que CAA Québec ont fait. Ça, j'ai pas de problème là-dessus. De démontrer qu'il peut y avoir un écart, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça se peut, selon plusieurs paramètres, notamment la température de la pièce, et même, probablement, s'il avait fait un test entre des appareils de policiers, il y aurait même probablement vu une certaine différence, un certain pourcentage. Sauf que là où je trouve qu'on fait fausse route chez CAA Québec, c'est la raison pour laquelle ils ne recommandent pas l'utilisation. Parce qu'ils disent que ça ne sera pas valide en cour lorsque vous allez vous présenter devant le juge. Mais ces outils-là ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour prévenir, faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas au volant en état d'alcoolémie. Et ça, je pense qu'on a passé à côté du message chez CAA parce que je pense qu'à l'approche des fêtes, c'est vraiment important de dire aux gens, regardez n'importe quel outil, hein, qui peut faire en sorte de convaincre quelqu'un de ne pas prendre le volant lorsqu'il a bu. Parce qu'il faut faire attention aussi, là. T'sais, on parle pas juste du taux d'alcoolémie. On peut avoir 0,02 avec de la fatigue, de la médication, pas être apte à conduire. Donc, je pense que c'est beaucoup plus là-dessus qu'il faut axer que sur la précision, par exemple, des appareils qui sont, même, je dirais, plus sévères, parce que dans le cas de l'alcootube, il commence déjà à changer à 0,05. OK, il y a l'alcoogramme qui, lui, va donner une lecture, dès qu'il va avoir un taux d'alcoolémie, il va avoir une lecture qui va apparaître, c'est-à-dire un sel chimique qui va changer de couleur. En même temps, regardez ce que disait CAA, c'est en disant que c'était pas précis. C'est un peu comme vos indicateurs de vitesse. OK, il y a toujours une variation, un pourcentage d'erreur. OK, on ne dira pas aux gens, ben, enlevez votre indicateur de vitesse. Vous ne serez pas apte à pouvoir l'utiliser quand vous allez arriver devant le juge contre l'appareil radar du policier. C'est complètement ridicule. Ouais. Ben, moi, je vois ça un peu comme un outil, puis j'ai lu ton commentaire sur Facebook, puis c'est ça j'ai écrit dans les commentaires. C'est comme, moi, je vois ça comme un outil. C'est comme, tu sais, si tu souffles dans un tube, puis là, il y a plein de parties de bureau qui s'en viennent, puis moi, personnellement, le party de bureau de ma conjointe, le propriétaire de l'entreprise en achetait, puis en laissait sur la table à la fin de la soirée pour que les gens puissent voir si, tu sais, ça te donne une idée. Si tu vois que t'es proche, puis que ça commence à changer de couleur, ben peut-être, tu sais, garde-toi une petite gêne. Appelle Nez Rouge, prends un taxi, demande à quelqu'un de te ramener chez vous que tu sais qu'il a pas bu, tu sais, arrange-toi. Mais de là à ce que ça soit hyper précis, peut-être pas, mais ça te donne une idée de voir si tu peux ou tu peux peut-être pas prendre ta voiture. Comme tu disais, Bertrand, si t'as calé une bouteille de vin en dedans d'une heure, les doutes sont pas là, tu sais. Tu le sais que t'es saoul pis tu devrais même pas conduire. Dans ce temps-là, c'est le jugement qui rentre en compte et non pas le hop, je suis-tu sa limite, tu sais. Mais t'as pris un verre et demi, deux verres. T'es-tu passé la limite ou pas? C'est un outil. Je vois pas ça comme quelque chose d'hyper précis. C'est un outil. Ah oui, puis c'est certain, en plus de ça, juste d'en avoir dans une soirée, rappelle aux gens de ne pas prendre de chance. Ça, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont pensé que ces outils-là servaient justement à dire, ah, j'étais à 0,07, je peux prendre le volant. Mais détrompez-vous, on le stipule, on dit aux gens, faites attention, votre taux d'alcoolémie peut être en montée. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut suivre la recommandation d'attendre une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes après la dernière consommation pour pouvoir justement faire le test et que le test soit adéquat. Et de toute façon, l'alcootube, le petit truc jetable, ne donne pas d'indication précise quant au degré d'alcoolémie. Je veux dire, quand le sel chimique change de couleur, ça s'appelle « touche pas au volant », mais on ne connaît pas avec précision le degré d'alcoolémie auquel on est affecté, par lequel on est affecté. Mais les tests qui ont été effectués aussi ont été effectués sur des appareils électroniques. Ces appareils électroniques, au même titre que les appareils des policiers, doivent être recalibrés après un certain nombre d'essais pour qu'ils puissent garder leur fiabilité de lecture. C'est pour ça que ces variations-là sont normales. Mais là, de là à dire, on vous les recommande pas parce que vous serez pas capable d'utiliser devant un juge pour montrer votre cause, donc c'est pas là, c'est vraiment pas le rôle de ces outils-là. Ouais, c'est ça. On s'entend que si t'es rendu devant le juge, t'as un problème encore plus majeur, là. C'est cool. Ouais, puis de toute façon, moi je pense que n'importe quel outil, tu le dis, n'importe qui te fait un peu de sensibilisation à l'égard de la conduite avec les facultés affaiblies, tu devrais l'écouter. C'est même pas une question de savoir est-ce que je vais dépasser la limite ou pas, là. C'est de dire, regarde, si tu as juste pris un verre, et bon, moi, je regarde, j'ai un fils de 17 ans qui conduit. Pour lui, c'est tolérance zéro. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il est extrêmement sévère avec ça et avec ses amis là-dessus. Alors, je pense que c'est le type de sensibilisation qu'il faut conserver. Oui, puis je pense que, regarde, souvent on critique les jeunes. OK, mais je regarde les jeunes aujourd'hui, ils sont beaucoup plus raisonnables que les autres générations, en tout cas moi, que j'ai connues dans les années 70, où on débouchait la bière avec la ceinture de sécurité et on calculait les distances en nombre de bières consommées. Donc, on est, disons qu'on s'est amélioré. On est un peu loin de ça. Écoute, Bertrand, c'est à peu près tout le temps qu'on avait. Juste un dernier mot en terminant. Bon, tu es porte-parole d'Alcotube. On va te voir beaucoup dans le temps des fêtes, entendre parler de toi. Mais tout de suite après, en janvier, t'es quasiment rendu le grand-papa du Salon de l'Auto de Montréal. Le grand-papa du Salon de l'Auto. Les présidents s'enchaînent un après l'autre, mais Bertrand reste. Ça fait combien d'années que tu es porte-parole du Salon de l'Auto, Bertrand? Ça va être ma 15e année, déjà. Écoute, sérieux, je me souviens avec Denise Essureau d'avoir été dîner, puis lorsqu'il m'a offert ça, je me suis dit, hey, c'est génial. Quand j'ai été renommé une deuxième année, j'étais wow! Et là, après 15 ans d'être encore avec cette belle équipe du Salon de l'Auto, c'est un privilège. Écoute, Bertrand, on aura sûrement l'occasion de te reparler justement de ce Salon de l'Auto. On te remercie d'avoir été avec nous sur cette émission-ci. Et mon cher Luc, d'où de l'autre côté, on fait une pause et on revient tout de suite après? Oui, c'est ça, on fait une pause puis on revient avec les nouvelles puis ton essai du GMC Yukon. Bertrand, merci beaucoup, toujours un plaisir de t'avoir sur l'émission. Eh bien, merci les gars. Alors, nous sommes de retour et Marc, c'est l'heure de notre dernier bloc de l'émission. On va parler de ton essai du GMC Yukon en commençant, puis t'as dit qu'au début de l'émission que t'as eu l'air, vas-tu le dire, d'un con en faisant ton essai. Raconte-moi ça m'intéresse. Bon, faut préciser d'une part que le Yukon, c'est pas un petit véhicule. On s'entend, un véhicule énorme. Il fait à peu près 6 mètres de long, 6000 livres. C'est quelque chose là, d'imposant. Si je me rappelle bien, c'était la même chose qu'un Suburban, non? C'est un petit peu plus petit que le Suburban. OK, OK. C'est plus l'Expédition, en fait. OK, c'est bon, c'est correct. Mais bon, on est pas mal dans la même vague. Okay. C'est un véhicule qui est énorme, qui est capable de remorquer 5745 livres, donc 2600 kilos. Tu sais, là, ça fait en version allongée, il fait un peu plus de 6 mètres. C'est un autobus scolaire, j'avais la version. Finalement, ouais, c'est ça. Okay. Et moi, j'avais la version Denali. La Denali, c'est la plus haute gamme de toutes les versions. On dit que ça fait à peu près 26% des ventes au Canada du Yukon, évidemment. Bon, tu sais, là, on parle d'un véhicule imposant. Okay. Mais il est doté d'un rouage 4x4. Okay. Que tu peux mettre en haute gamme ou en basse gamme selon ce que tu veux et selon les conditions. C'est bon. Alors, dans un élan d'aventure extrême et pour les besoins de l'émission de télé que je fais qui s'appelle Ça roule sur les ondes de Cogeco. Ça tombe-tu bien, hein? T'as le même nom que le podcast. Ben oui, c'est-tu drôle, hein? Quelle coïncidence. Ben oui. mais là, c'est saroule.tv au lieu de saroule radio. C'est un concept. Là. Ah, ouais, ouais. Alors, on a décidé de se rendre dans la région de Shawinigan. Il y a là-bas un pit de sable. C'est un endroit où il y a beaucoup de sable, une carrière qui appartient à un promoteur privé et qui nous laisse aller faire des essais sur place de temps en temps. Alors, dans un élan d'aventure, on est allé cette semaine sous la pluie diluvienne pour essayer le véhicule sur place. OK. Tu vas juste me dire, écoute, cette semaine, pluie diluvienne, puis je commence déjà à penser que c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée d'abord parce qu'il faisait comme 1 degré. Ouais. Fait qu'une pluie à 1 degré, c'est pas particulièrement chaud. Non. Un petit peu au nord de Trois-Rivières, il y avait un petit peu de neige par terre. Dans le sable mouillé, ça faisait un petit peu de boîte et de cochonnerie. Bref, on n'est pas dans la condition idéale, on s'entend. Ben ouais. Une fois ces choses-là dites, je décide donc de rouler avec le Yukon et ça va super bien. Honnêtement, le rouage intégral fait le travail. On l'a fait forcer un petit peu, je t'avoue qu'il a aimé moins ça, mais quand même, il s'en est bien sorti. On a été capable de se promener et on avait un défi là. L'idée, en fait, c'était de... J'avais un passager avec moi et il fallait que je déconcentre mon passager en conduisant. Évidemment, on a brassé le véhicule un peu et il s'en est bien tiré, je dois le dire. Okay. Mais on fait de la télé. Alors, quand on fait de la télé, tu sais comment ça fonctionne. Mm-hmm. On roule le véhicule, après ça, on le stationne et on arrive pour le prendre en prendre de belles images. On s'installe sur le bord d'une espèce de mini falaise, si tu veux, de sable. On a quand même un dégagement intéressant, mais pas trop. Et mes deux caméramans s'installent, font le travail. Mais ils me disent, écoute, Marc, la minivan qui est là-bas, qui est une mini fourgonnette traditionnelle, là, une minivan ordinaire Chrysler, mm-hmm. on la voit dans le cadre. Est-ce que tu peux la déplacer? Alors moi, n'écoutant que mon courage, je décide de déplacer la fameuse camionnette en question. Mais j'ai essayé de passer à la même pièce que Yukon. Oh, voilà. Hélas, oui. Tu auras compris que la mini fourgonnette n'avait ni le rouage intégral, ni le dégagement, ni les capacités du Yukon. Ouais. Et je me suis solidement enfoncé. Hmm. Okay. Mais solidement. Ouais, okay. Tellement solidement, en fait, que la façon dont on était placé, on a essayé avec le Yukon de remorquer, de tirer la camionnette pour s'en dégager. Mais d'un côté, j'avais pas assez de dégagement à cause de la falaise. Mm-hmm. Et j'avais comme pas envie d'aller essayer la falaise en Yukon, tu comprendras. Ou en caravane. Oh, mais en caravane, tu n'aurais pas été. De toute façon, elle était pris. Ouais, okay. C'est ça. Et par devant, j'étais tellement calé que j'avais, en fait, le pare-choc à côté sur le sable. Okay. Donc, si je laissais ça, ben évidemment, j'arrachais tout. Littéralement. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'on n'a pas été capable de tirer avec le fameux Yukon en question. Heureusement, je suis béni des dieux. Dans l'espèce de carrière de sable où on était, il y a un camionneur qui est arrivé avec son gros camion, il s'en venait charger. Et sur place, ils ont une espèce de pelle chargeuse. Mm-hmm. Alors le monsieur a pris la pelle chargeuse, il est venu nous rejoindre au sommet de la petite colline et avec une chaîne a réussi à déprendre la mini fourgonnette. Bon. Je t'invite à aller sur ma page Facebook. Oui. J'ai quand même eu la décence de mettre au moins une photo de la roue enfoncée. Oui, j'ai vu. Voir que j'ai vu. C'est très intéressant. Elle avait l'air assez profonde. Oh, ouais, fait que c'était pas particulièrement brillant. Mais tout ça pour dire qu'on a au moins fait la preuve que le Yukon est capable de passer dans des conditions assez difficiles. Okay. Ça, c'est pour le volet, je dirais, le plus exigeant. Ouais. Il y a quand même un volet qui est moins exigeant du Yukon. C'est que c'est quand même un véhicule qui est relativement confortable. Oui, c'est gros. Oui, c'est un truck. Ça se conduit comme un truck. Mais c'est quand même relativement confortable, relativement silencieux. On réussit aussi, bon, c'est quand même un 7 passagers. En arrière, il reste l'espace. Il reste à peu près 450 litres d'espace une fois que toutes les places passagers sont ouvertes. C'est quand même important. Et une fois ça dit, l'intérieur est quand même bien fait. Faut savoir qu'il y a comme un trio, si tu veux, de ce genre de véhicule-là chez GM. Mm-hmm. T'as le très luxueux Cadillac Escalade. Oui. T'as le plus entrée de gamme Chevrolet Tahoe. Mm-hmm. Et entre les deux, tu as le GMC Yukon, surtout le Denali, qui est comme bien équipé et qui se situe entre les deux. Bref, ça a été une expérience intéressante, mais une expérience d'un véhicule qui vaut 80 000$ et qui se conduit comme un gros truck. Alors, écoute, l'autre élément que je ne peux pas passer sous silence en terminant, c'est qu'en ville, on estime que sa consommation est à 15,9 litres au 100. Alors, en plus d'avoir une hypothèque pour l'acheter parce que ça vaut 80 000$, tu as besoin d'une deuxième hypothèque pour le rouler. Intéressant, mais honnêtement, il faut vraiment, vraiment que tu aies un besoin spécifique parce que là-dessus, c'est un V8 6,2 litres, 420 chevaux, 460 livres-pieds de couple. ça marche, mais ça marche au gaz solidement. Ouais, c'est un fait. Alors, comme je te dis, faut que tu aies des besoins spécifiques pour ça, ce qui n'est pas mon cas. Alors, j'ai apprécié la conduite, mais mettons que je m'en serais passé autrement. Ouais, tu te promènes dans le trafic avec ça, tu vois les 10$ sortir au bout de l'exhaust. T'es pris dans le trafic, là, c'est comme ça doit consommer pas à peu près. Ouais, OK. Écoute, complètement. Mais par contre, tu as la désactivation des cylindres. Hein. Passes de 4 à 8 cylindres selon les besoins. Alors, au moins, ça permet de sauver un peu. Quand même. Ceci étant dit, on va maintenant... Ça fait pas mal le tour de ce qu'on a à dire sur ce gros véhicule-là qui, de toute façon, est vendu de façon assez confidentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui l'achète tant que ça. Là. Ouais. C'est pas si exceptionnel. Par contre, il y a d'autres bonnes nouvelles un peu plus écologiques qui sont arrivées cette semaine. Je pense, entre autres, à une compagnie québécoise qui s'appelle Girfalco. Écoute, le nom n'est pas terrible. Non. Pire encore, ils ont dévoilé un véhicule qui s'appelle l'Azcara. OK. C'est bon Scrabble. Ouais, c'est très bon Scrabble. Ce que c'est, en fait, c'est que c'est un trois roues qui ressemble un peu à un T-Rex ou à un slingshot de Polaris, par exemple. Ouais. Donc, on parle de deux roues avant, une grosse roue à l'arrière. La particularité de ce véhicule-là, c'est qu'il est 100% électrique. En étant 100% électrique, ben évidemment, il permet de se déplacer de façon assez vive, je te dirais. Il y a deux versions qui sont offertes. Une version standard, qui est une propulsion, donc c'est la roue arrière qui propulse, 0-100, 4,5 secondes. C'est quand même intéressant. Ouais. Mais l'Azcara S, elle, arrive en rouage intégral. Ce que c'est, en fait, c'est que ce sont trois moteurs. Donc, un par roue en avant et un pour la roue arrière qui propulse le véhicule. Et là, on parle d'un 0-100 en 2,5 secondes. Ça commence à être sérieusement vite. Ça arrache le bitume. On dit que c'est une vitesse limitée à 240 km/h pour la version la plus élaborée. Mm-hmm. Autonomie intéressante de 200 km. On parle de 30 minutes de recharge à l'aide d'un chargeur de niveau 3 à 80% de la recharge. Okay. Bon, écoute, honnêtement, jusque-là, tu sais, l'idée est intéressante parce que c'est fait à Boucherville, c'est une petite compagnie locale et on est heureux de les encourager. Mm-hmm. Mais, car il y a un mais, on veut en faire un véhicule de luxe, littéralement. Ouais. Donc, on parle d'un prix de base de 67 500 à 97 500 selon la version pour laquelle vous optez. Ouais, pour quelque chose, ça va te servir 5, 6, 7 mois par année, dépendant de la température puis de l'année. Ouais, OK. Exactement. Ouais. On peut rajouter un 10 000 $ supplémentaire et là, tu te retrouves avec un véhicule qu'on appelle édition unique. C'est-à-dire qu'eux disent, nous, on n'a pas de catalogue de peinture puis de roues. On peut faire à peu près ce que vous voulez. Si vous voulez, vous l'achetez de série, donc vous le prenez. Vous allez peut-être croiser d'autres Azcara sur la route, pareil. Mais si vous mettez 10 000 $ de plus, ben à 10 000 $ de plus, vous allez avoir un véhicule totalement unique et on vous garantit qu'il n'y en aura jamais d'autres. Ouais, okay. Faut dire que les chances que tu croises un Azcara sur la route sont assez limitées dès le départ. C'est d'où mon petit rire, peut-être machiavélique. C'est comme... Ah, oh, mais attends, il y a pire parce que je t'ai pas tout dit. Ouais. La production totale va être limitée à 100 unités. Ouais. Donc, pas une de plus. Donc, dans 80% vont être vendus aux États-Unis, probablement dans les États où il fait chaud tout le temps. Si on les vend, bien entendu. Ouais. Et si tout va bien, on va en faire 25 en 2017. Alors, évidemment, il va être disponible en pré-vente à partir de la mi-janvier, mais honnêtement, j'ai pas commencé à économiser encore. J'ai décidé que ça faisait pas partie de mes ambitions pour le moment. Ouais, de toute façon, c'est comme je disais à la dernière émission, je suis un peu tanné des... Je suis content, félicitations aux compagnies québécoises qui innovent dans ce domaine-là, je suis vraiment, c'est correct, mais je suis tanné de la voiture électrique pour le public riche. Faites des voitures électriques que les gens normaux peuvent s'acheter, puis vous allez en vendre, mais faites-en. C'est comme... Le problème, c'est qu'une voiture électrique, ça coûte cher à produire. Je sais. Tant et aussi longtemps que tu n'auras pas des batteries abordables, tant et aussi longtemps que tu n'auras pas quelque chose d'intéressant, ben ça va toujours coûter cher. Puis quand ça va coûter cher, là, tu considères ça comme un élément de style, je te dirais. Fait que c'est, à mon sens, c'est juste pour ça que c'est là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas, regarde, je veux dire, au nombre de fois que tu vas t'en servir dans une année, ça va être vraiment l'élite qui va se permettre ça. Puis ça va être un peu comme ce que le Tesla Roadster était au début, si vraiment ils sont capables de percer le marché. C'est comme un standing. C'est comme, voici, je conduis une voiture électrique, différente de ce qui se fait ailleurs, puis voilà, ça va être un peu ça. Là. Mais... Déjà, on vend, on est les spécialistes du trois roues, on vend au Canada Il y a le Can-Am Spyder. Le T-Rex. Ouais. Ouais, le Can-Am Spyder puis le T-Rex. Ouais. Puis le Slingshot. Ouais. De Polaris. Ouais, c'est le Slingshot, c'est de Polaris, par exemple. Non, c'est ça. Slingshot, c'est un Américain. Ouais. Mais les autres, là, la T-Rex, c'est chez nous. Ouais. Le Spyder, c'est chez nous. Ouais. Tu sais, vraiment, on est dans le... Ouais. En tout cas, mettons que c'est un autre monde. On a une expertise, écoute, mais c'est ça. C'est ça. Toi, t'es un fan de hockey? Ben oui. Est-ce que t'as réservé ton édition spéciale du F-150 Carey Price? Non, pas du tout. F-150, ça va au-dessus de mes besoins quotidiens. Fait que non, moi, on m'a laissé passer. Parce qu'il y a un concessionnaire, Olivier Ford, en fait, pour lequel Carey Price est porte-parole depuis longtemps. Mm-hmm. Ils ont décidé, en fait, ça fait 7 ans, et pour souligner le 7e anniversaire de ça, ils ont choisi de lancer une... Ça s'appelle Ultimate Edition, marqué numéro 31 sur le côté. Ouais. Bon, 4 jantes étoilées. Bref, ils ont vraiment là, ils se lancent vraiment dans l'édition spéciale. Il y en aura 100. Mais ouais. Chacune va être numérotée. Mm-hmm. Alors évidemment, c'est un peu limité, mais je suis sûr que tu vas te garocher pour en acheter un. Non, pas du tout. Un collant, je peux m'en faire un si je veux. Je vais acheter un pick-up, un F-150, puis je m'envoie une place pour le lettrer, puis j'en fais un pareil. Il va probablement coûter moins cher, j'imagine. Ouais, puis en fait, tu peux même le faire avec un Ram si ça te tente. Il n'y a personne qui va t'empêcher de mettre un 31 sur le côté. Non, c'est ça. Fait que je suis pas certain un petit peu. Fait que c'est ça. Mais juste pour finir vite, t'as-tu vu la nouvelle qui serait que GM perdrait 9 000 $ à chaque Bolt qu'il construirait? Fait que oui. Quand ben, on parle en fait, que les voitures électriques sont chères à produire, ouais. Ben, c'en est peut-être un exemple. Ben, c'est ça. Écoute, rappelle-toi que Tesla n'a pas encore réussi à faire un sou avec ses voitures. Ouais, mais c'est ça. Mais GM, au moins, ils ont d'autres choses pour... Qui vendent à 150, 160 000. Ouais. Tesla fait de l'argent avec les ventes de crédit carbone, ouais. Mais ils font pas d'argent avec les ventes de leurs véhicules. Alors, j'ai bien hâte de voir combien ils vont perdre avec les modèles 3. Non, j'ai hâte de voir quand ça va vraiment sortir. Puis vraiment, si les chiffres qui sortent, là, qui n'est pas confirmé par GM, sont vrais, mais on verra ça dans le temps. Donc, Marc, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, écoute, ils peuvent mener ma page Facebook. C'est le meilleur endroit pour me rejoindre, à Marc Bouchard. Sur Twitter, Marc souligné Bouchard. J'ai aussi un compte Instagram, je me suis aperçu de ça. Bouchard Marc, ouais. Et en fait, par courriel aussi, auto@cogecocable.ca ou à notre adresse commune que tu vas t'empresser de donner, mon cher Luc. info@saroulradio.com. Pour moi, c'est sur Twitter, @scalazormo. On a aussi un compte Twitter, Saroule Radio. On a une page Facebook, Saroule Radio. Venez nous jaser, nous mettre des j'aime. Venez voir quand les émissions, les photos qu'on met de temps en temps aussi. On est rejoignable là. Puis on est écoutable sur iTunes, sur Google Play, sur Radio H2O, sur sportradio.ca et sur Radio Highway. Donc, on est à pas mal de places et ça fait pas mal le tour. Donc, je vous remercie encore une fois, chers auditeurs, d'avoir écouté cette émission. Puis, on vous dit à la semaine prochaine car nous serons de retour. C'est une menace que nous mettrons à exécution. Merci, Marc. Bye, bye. Bye, bye. Bonne semaine.